partir du roi. Il n'y a un minime que pour ceux qui n'aiment pas les nids de poules, les routes. Tous ceux qui s'intéressent à ces questions, et je crois qu'elles nous concernent tous, bénéficient de Flavio Germain. Il est la solution. Donc pour les habitués du rendez-vous, c'est un café des sciences. Le but n'est pas de faire une conférence froide sur le sujet technique et horrible que constitue, je ne sais pas. On va parler de quoi en fait ? La science des routes, les routes de la science. Bon, les routes, ça paraît un petit peu ancien, hein, les Romains avaient fait un bon boulot. Mais pas dans le coin. Par contre, les routes en Amazonie, c'est peut-être venu plus tard. On attend encore une route un petit peu du côté du Brésil, hein, je crois 1920, la transamazonienne. Ah bon, oui. C'est un grand projet et on y est encore. Mais faut-il finalement ces routes ? Faut-il qu'elles durent longtemps ? Comment on s'y prend ? Est-ce qu'il faut adapter les technologies, les techniques qui sont maintenant millénaires ? On utilise toujours les pavés ? Non, c'est fini. Hein. Oh, si, bien sûr. Si, le pavé. Toujours, oui. Et donc sous les pavés. Voilà. Alors, c'est peut-être dans la fondation de tout cela que se joue la durabilité de ces équipements. C'est des enjeux qui nous touchent chaque matin en sortant de chez nous. Enfin, pas à Camopi. L'usage de la route est moins compliqué. Mais si, en fait. Il y a ça. Et puis, en tout cas, Flavio, donc, né ici, a réalisé tout un cursus universitaire brillant qu'il a amené récemment à un doctorat, mais qu'il a réalisé dans un environnement industriel. Donc à cheval entre l'université de Guyane et le laboratoire de recherche et de développement de Eiffage, qui se trouve, vous savez où là, vers la zone commerciale, en face, il y a des questions de déchets qui sont... Mais par contre, les énormes bâtiments, vous voyez peut-être des colonnes, je ne sais pas qui de vous a pu visiter ces équipements industriels, parce que ce sont obligatoirement des choses sécurisées, qui ne sont pas en accès libre. Ben, il a désormais la lourde responsabilité et puis aussi l'honneur d'être le directeur industriel de Eiffage Guyane. C'est un peu jeune, mais il a accepté. Et en fait, c'est pas pour rien. Parce que dans les 4 ou 5 dernières années, il a travaillé avec toutes les équipes d'Eiffage et puis les équipes de l'université. Mais jusqu'à... En fait, il faut prendre la dimension d'un groupe international. Il y a le chantier Ariane 6 auquel est associé ce nom. Le groupe industriel, au niveau du PNES, c'est quand même des travaux colossaux. Et puis, il y a tout l'aménagement d'un territoire avec ses enjeux, ses complexités, dans un environnement amazonien qui n'épargne pas grand-chose en termes de conditions climatiques, et en particulier le bitume. Raison pour laquelle il nous a amené un poulet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette tradition dans le milieu de la voirie, hein, le poulet bitume. Ah, moi ça m'a beaucoup surpris, c'est un milieu assez difficile, hein. On travaille au soleil, il y a la partie visible de l'iceberg où c'est un effort plus ingrat. Mais voilà, dans ce sachet de poulet, il y a du bitume, et des fois dans le bitume on fait cuire des poulets. Alors là, demandez aux spécialistes. Hein. Un peu vrai quand même. Donc, sous des airs de choses vraiment très industrielles, il y a aussi toute une recherche fondamentale qui s'applique assez directement. Et vous pourrez discuter avec Flavio des enjeux autour de cette recherche. C'est l'enjeu de cette soirée. On place sous le fond du Café de la Gare, qui nous accueille toujours avec la même sympathique disponibilité. Et puis, sans plus tarder, Flavio Germain. Bonsoir à tous. Je pense qu'Olivier a bien résumé un peu mon parcours et aujourd'hui ce que je fais chez Eiffage. J'ai intégré les industries depuis environ un an, mais depuis 5 ans je suis chez Eiffage sur des sujets, des problématiques de recherche, notamment sur les routes que vous connaissez tous, qu'on utilise tous les jours, qu'on pratique, et qui pour certaines sont très détériorées avec des nids de poules, je dirais même des nids d'autruche, je ne sais pas comment les appeler. Mais derrière tout ça, il y a vraiment un processus et des contraintes qui ne sont pas directement liées aux acteurs publics. On parle toujours de commandes publiques, il y a aussi des contraintes qui sont d'ordre climatique, qui ne sont pas négligeables et qui sont très difficiles justement à prendre en compte et qui a des incidences en termes de prix et de réalisation routière qui ne sont pas négligeables. Non, je vous fais, j'ai, Je vous ai préparé une petite présentation assez synthétique sur le pourquoi du comment. Donc déjà, c'est quoi une route ? C'est quoi le principe ? C'est qu'en fait, on part toujours d'une route, c'est une emprise. Une emprise d'une largeur qui va de 20 mètres à 50 mètres en fonction de la route. Si on est sur une autoroute, nous sommes sur des emprises qui sont bien plus importantes. Nous avons la chaussée, c'est la zone qui va circuler avec des accotements et des fossés et un talus. La problématique, c'est que, bon, comme on le connaît en Guyane, il y a la pluie. Donc cette eau-là, il faut pouvoir la canaliser, il faut pouvoir la garder. Donc d'où l'importance des fossés, c'est de canaliser cette eau-là pour l'envoyer à un exutoire qui va être le milieu naturel de façon générale. Et si on regarde après en détail un peu plus une chaussée et le fait la structure de la route, sa fondation, c'est assez important. Donc on part toujours d'une ce qu'on appelle, nous, en technique routière, la pièce T. La pièce T, c'est la partie supérieure des terrassements. Ça va être les premiers mètres qu'on va avoir lorsque l'on va terrasser. Et sur cette pièce T-là, on va appliquer ce qu'on appelle une couche de forme. La couche de forme, son rôle, ça va être l'intermédiaire entre la couche de entre la pièce T et ça va être le début des bases de la fondation de la chaussée. Par la suite, on a la chaussée, et dans la chaussée, dans sa définition, il y a encore d'autres choses. On appelle la couche de surface la couche visible sur laquelle on circule tous. Et en dessous de cette couche visible, il y a la couche d'assise. Et les couches d'assise, généralement, c'est les couches de base ou les couches de fondation. Une chaussée est toujours dimensionnée par rapport au nombre de poids lourds. On ne comptabilise jamais un véhicule léger, puisque le poids du véhicule léger, il est tellement négligeable sur la chaussée que finalement, c'est pas dimensionnant. Donc aujourd'hui, si on veut dimensionner une route, on va comptabiliser le nombre de poids lourds qui va circuler dessus. Donc les camions poubelles, les camions qui font le transport de pâte en général. Donc on parle souvent d'essieux, enfin de véhicules avec une charge supérieure à 3,5 tonnes. Donc voilà, le récap de tout ça, bien sûr avec les accotements à la fin. Si on part sur les régions métropolitaines et régions tempérées, disons que ce processus, en fait, ce vocabulaire de chaussée, ces structures sont à peu près respectées. La grande particularité que nous allons avoir en Guyane, c'est que généralement, par exemple, en termes de couches d'assises sur les voiries à faible trafic, on n'en verra pas. La couche de forme non plus, et on arrive souvent à avoir un seul support qui va être de la latérite classique. Et sur cette latérite-là, on va appliquer une couche de surface, une couche de roulement. Donc en fait, au final, on n'a pas de fondation. Pas de fondation, ce qui va se passer, c'est qu'avec l'action de la pluie, de la météo, le seul support qui n'est pas du tout dimensionné, qui n'a pas d'apport bien spécifique en termes de performance mécanique, ne va pas résister. Donc on va avoir la formation assez très vite de nid de poule, d'ornière, de déformation. On a des chaussées, bien sûr, qui vont avoir ce qu'on appelle une substitution. Le seul support, il ne sera pas assez portant. Donc on va rajouter soit de la grave naturelle, soit on va traiter le sol. Donc là, on va commencer à considérer cette couche qui sera meilleure en termes de qualité, en termes de couche de forme. Sauf que voilà, on aura amélioré cette structure-là, et par-dessus, malgré tout, on va encore appliquer une couche de surface. Ça veut dire un enrobé ou sinon un enduit. Mais c'est ce nombre de couches en fait, qui impacte grandement la durabilité de nos chaussées. Et après, c'est aussi expliqué pour une deuxième chose, c'est que le trafic véhicule qu'on rencontre en Guyane, il est tellement faible que finalement, on n'a pas nécessité d'avoir toutes ces couches-là. Mais la grande particularité des guides français sur la réalisation des routes, c'est qu'on nous impose qu'en termes de couches, on verra le graphique suivant, on a des objectifs de résistance en fonction des couches où on se trouve. Donc au niveau de la PF support de chaussée, qui est en rouge, on doit en général une portance de au moins 50 mégapascales. Ça, c'est dans le jargon, dans le BTP. Il arrive assez souvent que quand on fasse des travaux en saison sèche. En saison sèche, ces portances-là de 50 mégapascales, on les obtient assez facilement. Par contre, vous faites les mêmes contrôles 6 mois plus tard en saison des pluies, vous avez une chute de portance. Dans cette chute de portance, en fait, elle va avoir pour conséquence de remonter des fissures, des déformations sur le haut de la chaussée et donc des détériorations. C'est un processus qui est assez compliqué, mais par contre, qu'on retrouve bien heureusement pas sur toutes les chaussées. Par exemple, les grandes structures dimensionnantes, les routes nationales, en général, on s'assure de respecter tous ces critères-là. Par contre, c'est plutôt sur les voies rurales, les voies où on a un trafic qui est relativement faible, où ça sera difficile de justifier tout ce, de pouvoir respecter toutes ces contraintes en faisant une route qui sera relativement intéressante économiquement. Donc, pour aller plus loin, en fait, encore sur le sur la notion de structure, c'est que une chaussée, c'est d'abord, comme on l'a vu, c'est les couches structurantes, c'est les couches, c'est la fondation, c'est le sol support. Donc il faut le dimensionner. On doit avoir un objectif de résistance. Et pareil, la couche qui est au-dessus, la couche noire qu'on parle enrobée, elle doit aussi être dimensionnée en fonction du trafic du véhicule qu'elle va subir. Sauf que si on regarde un peu les éléments qu'il faut pour arriver à dimensionner une chaussée, il faut d'abord connaître un son trafic, c'est-à-dire de combien on va estimer le trafic de poids lourd qu'il va y avoir sur cette route à court terme et sur 20 ans. Et de prendre en compte également son accroissement. Est-ce qu'on dit que sur 20 ans, le trafic de poids lourd il va augmenter de 4%, de 6%, de 10%? Donc ça, ça doit être des données qui sont données par la maîtrise d'ouvrage, par la CTG, par le public, pour nous aider à dimensionner justement cette chaussée. La deuxième couche, et le deuxième point le plus important, ça va être au niveau des performances mécaniques, au niveau des matériaux. Donc là, j'ai mis, on voit un petit tableau, en fait, c'est ce qu'on appelle les modules de Young. Pour résumer, c'est les performances des matériaux. Et c'est une incidence qui est très très importante dans le dimensionnement. Quand on peut le voir, les différentes couches de matériaux qu'on peut avoir, que ce soit en couche de roulement ou couche de fondation, le module à 15 degrés, ça va être la température moyenne que l'on a en métropole. On est plutôt sur des modules qui sont relativement élevés, on est à 7000 MPa, 11000, 14000. Par contre, ces mêmes modules en Guyane, avec la température moyenne que nous avons, qui est plutôt à 28 degrés, va avoir pour conséquence de détériorer énormément les modules. Donc ces modules qui étaient à 7000 passeront à 2000. On divise par 3 le module des matériaux. Oui. Une petite interrogation surprise. Nous étions au vocabulaire, nous en étions maintenant aux chiffres. Et le module Young, pour peut-être rebondir, oui. C'est l'élasticité. Donc vous avez une route qui est plus ou moins comme un chewing-gum. Oui. Et donc, avec la température, vous pouvez peut-être mieux comprendre ce paramètre qui donne un module beaucoup plus faible à 28 degrés, donc quand on chauffe, vous voyez bien que le côté élastique de ce chewing-gum, c'est vraiment un module d'élasticité. Ça se mesure aussi comme la pression qu'il faut pour le déformer. Donc en mégapascal, donc en millions de philosophes. Millions de philosophes, Pascal. Vous ne pouvez pas vous embrouiller. Mais oui, c'est Pascal qui a donné son nom. Bien résumé. Et pour finir sur cette partie-là, au niveau des contraintes climatiques, si on part d'une chaussée équivalente par rapport à la métropole, d'un trafic équivalent, sur cette même route-là, il faudra doubler, voire tripler les épaisseurs de couches de chaussée pour avoir la même durabilité. Et doubler ou tripler les épaisseurs, sachant que nous sommes en Guyane. En Guyane, le bitume, pour l'appareillage, et je pense pour toutes les entreprises qui sont présentes localement, il est importé. Nous, on le reçoit de Pologne, donc ça fait un transport, ça a un certain coût qui n'est pas négligeable. La matière, la ressource primaire locale, elle est beaucoup plus chère puisque la demande, elle est moindre. On a des industries qui sont aussi grosses et aussi bien dimensionnées qu'en métropole, mais avec un volume qui est moindre. Donc dans ce cas-là, ça occasionne des surcoûts sur les chaussées. Et c'est le moment de faire passer le bitume. Voilà. Donc, le bitume. Vous en imaginez donc des kilos, tu m'avais expliqué. Ça c'est autre chose. Hein. Allez, le bitume, les types de personnes. On peut s'approcher, il y a des champignons palpables qui refont ces matériaux. Alors qu'une fois que la route est faite, c'est difficile de... Mais je vous fais passer le bitume, parce que c'est toujours un peu plaisir. Ça va. Voilà, vous le sentirez arriver. Donc c'est ça qui vient directement de Pologne. Hein. C'est ça, c'est le petit flacon. Oui, là, c'est la partie que... La partie mélangée qui est venue passer et le flacon qui est juste devant. Donc, dès qu'on part sur ce postulat, et notamment uniquement sur la partie de la température, le climat a un impact qui est quand même très négatif pour nous sur nos routes, sans parler de la partie technique. Donc, après, il y a d'autres dimensions, bien sûr. Après, il y a qu'est-ce qu'on attend comme détérioration? Est-ce qu'on attend d'avoir un dimensionnement? Une chaussée qui va durer très bien pendant 20 ans, où on va accepter d'avoir quelques déformations avant. Donc ça, c'est un choix dans le dimensionnement de la chaussée qui va se faire. Et pour finir, ben, il y a plusieurs. En termes de routes, il y a une très grosse diversité de structures, de types de routes et de combinaisons possibles. On peut avoir des couches bitumineuses avec des structures bitumineuses, comme on peut avoir une route en béton sur une structure bitumineuse, qu'on peut avoir en inverse. Toutes les solutions sont possibles et admissibles. Dans la mesure où on connaît les paramètres de résistance des matériaux, donc on sait dire si cette chaussée est apte à subir un trafic ou pas. Et pour finir, sur la partie bitume, le bitume, il a une particularité, c'est qu'en fait, c'est un sous-produit industriel du pétrole, à l'issue du raffinage. Donc pour résumer, c'est quand vous avez fini de retirer le gaz, les essences, le kérosène, le gasoil et tout le reste, ben, il va rester qu'une dernière matière, c'est le bitume. C'est un déchet, tout simplement, pour l'industrie pétrolière, qui est quand même recyclé et utilisé dans nos routes. Donc pour revenir un peu plus sur la Guyane, et notamment sur le réseau routier, ben, comme vous le connaissez tous, on a toute la notion des pistes très embêtantes, et surtout notamment en saison des pluies. Donc si on s'intéresse un peu à la façon de faire de la construction un peu généraliste en Guyane, donc on va voir qu'il y a un projet ancestral qui est très intéressant et très, avec beaucoup d'ambition, c'est d'arriver à raccorder toutes les communes de la Guyane. Parce qu'il y en a toujours aujourd'hui 7 sur 20. Il y a encore 7 communes en Guyane qui demeurent inaccessibles par la route. Et si on s'intéresse un peu à la position des carrières en Guyane, ben, surtout sur le littoral. Ça veut dire que s'il faut amener des matériaux pour faire ces routes emblématiques, en termes de transport, ça sera colossal. Donc ça, c'est les deux carrières des phages qui sont en rouge, mais il y en a d'autres sur Saint-Laurent, de Ribal, il y en a aussi sur Saint-Georges-Oyapoc. Donc on a quand même un maillage de carrières qui est quand même assez bien diffus sur le littoral. Et ça, on regarde un peu après les deux techniques de revêtement qui sont très utilisées en Guyane. Donc on a notamment sur la photo de gauche ce qu'on appelle les enduits superficiels d'usure. Donc ces enduits-là, c'est un revêtement qui fait 1 à 2 cm d'épaisseur. Comme on le dit le nom, c'est un enduit superficiel d'usure qui doit être utilisé pour l'entretien des chaussées qui vieillissent. En Guyane, on a plutôt tendance à les utiliser comme barre neuve. Donc c'est pas un revêtement qui est très portant, très résistant. Un camion par exemple qui va braquer dessus, ça va l'arracher. Donc c'est pas un revêtement très solide. Et on a les enrobés bitumineux, les bétons bitumineux comme on les appelle, qui sont assez courants. On connaît très bien. Ça, c'est un exemple de chantier que j'ai pu voir. Une belle route qui a été réalisée en 2015. 4 ans plus tard, je suis repassé. Ben, voilà. Ça a déjà commencé à s'endommager. Ça s'intéresse un peu plus aux fondations. Les fondations de la route, comme une maison, comme un bâtiment. Il faut une assise solide pour supporter le revêtement. Donc on a différentes techniques en Guyane qui sont employées. Donc on a le traitement de sol au lion hydraulique. Donc c'est un traitement qui est très intéressant. L'avantage, c'est qu'en temps normal, comme je vous disais, on a tendance à enlever le matériau latéritique que l'on a, on va l'évacuer et on va le substituer par une broche qui proviendra de carrière. D'où on aura fait 20, 30, 50 km pour l'amener. Donc des gaz à effet de serre, on va endommager des routes qui sont déjà existantes par le transport de ces cailloux. Donc, alors qu'on peut très bien valoriser un matériau qui est présent sur site, on peut le recycler, on peut le mélanger avec du ciment sous un certain dosage, avec bien sûr des études au préalable, et arriver à des structures qui tiennent, qui sont fonctionnelles. On fait aussi des couches de forme en latérite, pour les voiries à faible trafic, c'est ce qui est le plus courant, et comme je vous disais, après les graves non traités qui proviennent de carrière. Si on s'intéresse un peu vraiment, je me suis amusé sur certains chantiers, puis en utilisant la bibliographie en Guyane, à regarder les différentes solutions techniques qui existent, et regarder en fait, quelles sont leurs durabilités. Et si je regarde bien, quand on parle de structure latéritique, un simple revêtement latéritique, en général, c'est 1 an de durabilité. Dès qu'on l'a réalisé, il faut revenir l'année prochaine, après la saison des pluies qui est passée dessus. Là, on est sur une piste orange. Orange, rouge, totalement. Si on s'intéresse plutôt maintenant aux enduits superficiels d'usure sur de la latérite, comme on l'a vu, au bout de 3 à 5 ans. Après, si on va plus loin sur des traitements de sol, on a vu sur la route entre Apatou et Saint-Laurent, donc on peut arriver sur des durabilités de l'ordre de 10 ans, mais bien sûr, il faut quand même un entretien, une gestion de l'eau pluviale. Et après, sur les techniques après qu'on développe, comme le SRG, on peut arriver à augmenter fortement la durabilité des chaussées, les doubler, sans avoir un surcoût qui est très important. Et après, ben, un enrobé classique sur une structure en GNT, ben, c'est un dimensionnement classique, c'est entre 20 ans à 25 ans, quand c'est bien dimensionné et quand bien sûr il y a de l'entretien. Par contre, si on compare le coût que ça peut avoir, je l'ai mis sous forme de base de comparaison, ben, par exemple, si on fait un simple enduit superficiel sur la latérite et qu'on veut faire derrière un enrobé, ben, ça coûte 10 fois plus cher de faire un enrobé. Donc quand il n'est pas forcément nécessaire et quand forcément il n'y a pas forcément de budget pour faire pour la création des routes, ben, ça va être la première solution qui va être utilisée. Donc après j'ai fait une deuxième comparaison et là je me suis intéressé à la notion de transport par rapport aux solutions classiques de traitement de sol. Donc je me suis rendu compte qu'après suivant la corde rouge, c'est la solution classique, et la verte et la bleue, c'est le traitement de sol. Si on part sur un traitement de sol classique, on peut voir que son coût, jusqu'à une distance de 30 km d'une carrière, il est à peu près équivalent. Donc on peut partir sur l'une ou l'autre technique, il n'y a pas d'incidence pour le client. Par contre, au-delà de 32 km, ben, l'augmentation du prix de la première solution, qui est d'apport de matériaux de carrière pour la réalisation des chantiers, mais en fait, elle augmente considérablement de façon exponentielle dès lors qu'on va s'éloigner de cette carrière-là. Donc c'est pour ça qu'il faut adapter au mieux les solutions que l'on va prendre pour faire des routes en fonction de la situation géographique, de la disposition ou pas d'une carrière à proximité, et de voir toujours si on peut optimiser en traitant le sol ou pas pour améliorer la durabilité et espérer avoir plus de confort sur les routes de demain. Donc pour ma part, je travaille, je ne l'ai pas mis parce que c'est un chantier expérimental qu'on a réalisé la semaine dernière. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, on va beaucoup plus loin et on essaie de trouver des solutions alternatives justement à ces problématiques. Et on en a trouvé une, c'est le traitement des sols à partir d'émulsions en bitume. La particularité, c'est qu'on ne va pas chercher à faire des chaussées rigides. Une chaussée rigide, c'est une chaussée qui va fissurer à un moment, qui va casser et qui va faire remonter des fissures. Un revêtement. Donc on est parti sur une solution souple, avec un revêtement très souple. C'est-à-dire qu'on va arriver sur des chaussées qui vont se déformer. Il y aura peut-être moins de confort sur le long terme, mais par contre, il n'y aura pas de nid de poule. Ça veut dire aussi que sur le long terme, on pourra circuler beaucoup plus vite sans endommager son véhicule. Donc c'est une solution low cost qu'on propose et qu'on va bientôt, dans le cadre de mon doctorat, que je suis en train de finaliser. Parce qu'on a fait le chantier il y a une semaine, il faut quand même un an de suivi pour vérifier et valider le procédé. Et comme tout procédé, il faut bien au moins 10 ans avec une période de retour pour voir réellement comment ça fonctionne et comment on peut l'optimiser et l'améliorer pour le long terme. Donc voilà, je suis à vous pour vos questions. Donc, pour les habitués, vous connaissez le principe. Il n'y a pas de questions bêtes, bien au contraire, et tout le monde peut poser des questions sur le sujet évoqué, même pourquoi pas des questions plus larges. Je vous en prie. Et bonne soirée, parce que maintenant c'est à vous. Oui, bonsoir. Merci pour ce sujet très intéressant et qui nous concerne tous, oui. Et tous les jours, plusieurs fois par jour. Moi j'ai deux questions. La première, c'est, alors on a parlé des routes, mais il y a plusieurs types de routes. Donc, si j'ai bien compris, le type de route qui a été abordé là ce soir, c'est plutôt style route départementale, communale, les choses à faible trafic. Voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Alors, j'ai trois questions parce que ce qui m'embête, en tant que observatrice, hein, citoyenne observatrice, c'est de voir que la qualité des routes n'est pas observable pour nous. Je veux dire, on ne voit pas d'amélioration, puisqu'effectivement, après chaque saison des pluies, on voit qu'il y a vite la formation de trous un peu partout, hein, et qui se détériore, que le trafic des poids lourds ne diminue pas, que ces mêmes poids lourds, ils empruntent des routes, ils sont amenés à emprunter des routes qu'ils peut-être n'empruntaient pas avant, avec le nombre de voitures aussi qui empruntent chaque jour les différents axes routiers, je dirais ça comme ça. Hein. Bon. Donc je me demande pourquoi effectivement il n'y a pas d'amélioration notoire. Et la troisième question, c'est les routes d'aujourd'hui sont déjà pour moi les routes de demain. Et quand on sait qu'il y a des matériaux qu'on peut valoriser davantage, comme le verre qui rentre dans la fabrication des routes, quid pour ici, bon. Et ensuite, les routes, elles servent déjà à, comment dirais-je, à abriter des technologies, de la haute technologie. Et là, je me fais du souci parce que je me dis qu'on est une terre spatiale. Bon, c'est un cliché, hein. Mais malheureusement, c'est vraiment un gros cliché, mais qui pèse lourd dans notre vie. C'est-à-dire, on est une terre spatiale. Et pourtant, tout le côté valorisation et surtout utilisation dès aujourd'hui pour aider la haute technologie à circuler dans le pays n'existe pas, en fait. Bon, si je me fais du souci, parce qu'on parle aujourd'hui de la voiture autonome, semi-autonome pour commencer, là, ensuite entièrement autonome, en fait, on voit que les axes routiers, finalement, seront des axes de circulation de haute technologie, pour résumer ça comme ça. Donc, voilà. Pour répondre d'abord à la dernière question, c'est la question de la voiture autonome. C'est assez particulier puisque pour pouvoir avoir une voiture autonome, donc la voiture est connectée d'une part avec le GPS. Donc il lui permet de savoir où elle se trouve. Et après, elle va fonctionner sur la base de caméras et de capteurs pour se déplacer. Donc la première chose que la voiture va regarder, c'est quoi ? C'est le marquage au sol. Savoir où elle se trouve et savoir si elle peut déplacer ou pas. Comme on le voit sur certaines routes, le marquage au sol, il est des fois inexistant. Il faut des panneaux pour que la voiture sache à quelle vitesse elle circule. Des panneaux qui doivent être assez répétés, qui sont, pareil, qui sont à mon sens un peu absents, illimités. Il faut des bas-côtés aussi. Des accotements. Il faut une route en fait qui soit dans le confort standard européen. Mais souvent on voit que nos routes elles n'ont pas d'accotements, soit elles n'en ont pas du tout, soit ils sont pas fixes. Mais ils se détériorent très vite et donc du coup ça n'existe plus. Donc je pense qu'avant d'arriver à la voiture autonome en Guyane, ça va prendre un peu de temps. Le premier constat. Après, sur ce que vous disiez au début, le verre, au niveau des phages, nous sommes les collecteurs pour la région du verre de Guyane. Ce verre-là, on le recycle, il est concassé, il est criblé, et il va servir dans les structures de chaussée. En fait, on va le mélanger avec de la GNT. Et le rôle, c'est que bon, le verre n'a pas d'apport sur les performances mécaniques. Au contraire, si on en met plus de 10 ou 15%, on se rend compte que les portances vont chuter. Mais dans la limite de 10 à 15%, ça n'a pas d'influence. Donc aujourd'hui, on propose des structures de chaussée avec du verre. Mais par contre, le volume de verre récolté par an, il est de l'ordre de 1600 tonnes. Et en fait, on peut faire un chantier en éliminer tout le verre de Guyane. Donc c'est pour ça qu'on n'en voit pas beaucoup. Et c'est vraiment dans des chantiers cibles, par exemple. Zone Galmo, sur le chantier de la déchetterie, on a pu faire des structures en verre. Mais on a passé une bonne quantité de verre dans ce chantier-là. Et aujourd'hui, bon, en stock, on en a encore beaucoup, mais il est utilisé, on essaie de le valoriser. J'ai amené, je crois, un échantillon de béton de verre. Je ne sais pas où il se trouve. Ah, il est là. Donc c'est... Non, à côté, le blanc. Je vais le faire passer. Donc chez Eiffage, on a développé il y a 2-3 ans un béton de verre. C'est un béton architectural qui n'a que une vocation esthétique, donc on n'utilisera jamais en structure. Et ce béton-là, la particularité, c'est qu'en fait, on va remplacer une partie des granulats par du verre. Et l'avantage, c'est qu'on peut sortir un béton qui est conforme dans du mobilier urbain, dans des bons, dans des éléments, pour le valoriser un peu plus que le mettre dans les routes et que ce soit caché. Et qu'en fait on ne voit pas finalement pas cette valorisation. Donc le produit il existe, maintenant il faut qu'on trouve un débouché pour le commercialiser. Et la première question sur le trafic des véhicules et les routes qui s'endommagent, ça doit partir, comme je vous disais, d'un dimensionnement initial de la route, avec un trafic donné et une durabilité sur un certain nombre d'années. Si ça n'a pas été pris en compte au départ, ça peut arriver puisque je pense que les courbes d'accroissement de la démographie en Guyane sont exponentielles et n'ont peut-être pas été prévues il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, on peut encore corriger cela, mais ça veut dire des travaux très conséquents sur lesquels on va devoir raboter une structure dès lors qu'on est en centre-ville pour refaire une structure de chaussée et par-dessus refaire une couche de roulement. Mais par contre, c'est des coûts qui ne sont pas négligeables et qui devraient être lancés par les donneurs d'ordre pour améliorer la vie de tous les gens, de tout le monde et de tous les gens. Mais ces sujets, j'y pense, un peu sensibles, puisque là-dessus, nous, on est en tant qu'entreprise et en tant que chercheur, on a la solution, on sait faire. Par contre, il faut que... Voilà, c'est toujours une notion de con. Après, on peut faire des pansements, comme on le fait aujourd'hui, ça sera sans fin, et on va rouler sur des pansements, et encore d'autres pansements par-dessus, et puis on verra. Je pose ma question, après je pose la parole. Ma question de la soirée, quelles sont les comparaisons possibles entre les solutions de voirie en béton, en termes de structure, par rapport aux voiries classiques que l'on connaît, et la différence effectivement sur les techniques? Alors, la voirie béton, moi, c'est une voirie que je déteste énormément. Et pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que quand on regarde un peu les chaussées autoroutières présentes aux États-Unis et en Allemagne, ils vont se retrouver avec de très gros travaux d'entretien pour le renouvellement de ces chaussées-là. On est sur des chaussées rigides. Ça veut dire que si on est sur une chaussée rigide, il faut que la fondation soit rigide. Et pour que la fondation soit rigide, il faut une vraie structure de chaussée, une vraie couche de fondation. Parce que cette couche de fondation, si elle évolue ou elle perd en portance avec la saison des pluies, ben vous verrez que votre chaussée béton va très vite se déformer, et elle va très vite fissurer avec des détériorations dans le temps. Deuxième problème de la chaussée béton, c'est que en termes d'entretien, c'est très compliqué puisque c'est un matériau qui est tellement rigide qu'il faut à entretenir, c'est très compliqué. Il faut l'enlever, les machines classiques de raboteuses peuvent quasiment pas travailler dessus. Alors que sur une chaussée classique en enrobé, c'est beaucoup plus facile à l'enlever pour remettre quelque chose de nouveau par-dessus. Et le troisième point sur les chaussées en béton, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de gaz à effet de serre, d'environnement. Et le béton, en termes de CO2 à la tonne produite, c'est ce qu'il y a de pire. Contrairement aux enrobés à chaud, qui ne sont pas forcément meilleurs, mais malgré tout, qu'on sait qu'on peut facilement entretenir sur le long terme. Donc le béton, c'est une bonne solution, mais je pense pas forcément au Guyane. Déjà, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur pourquoi les routes se dégradent aussi vite. Parce qu'on ne comprend pas forcément quand on est juste un peu citoyen. On n'est pas dans le secteur. Et ma question, c'était par rapport à la préférence du type de revêtement avec la latérite, par exemple, qui était juste deux fois plus cher par rapport à l'autre qui était près de 10 fois plus cher, c'est ça? La solution classique, c'était un enduit superficiel d'usure, en fait, un enduit simple de 2 cm sur des latérites, quand comparé justement à la solution haut de gamme de revêtement enrobé avec une structure de chaussée. Voilà, qui est 10 fois plus cher. Et celle qui était préférée, c'était la moins chère, mais du coup, pour une durée d'un an. La solution de revêtement sur la latérite, en général, elle a plutôt une durabilité entre 3 et 5 ans. D'accord, contre 25? Contre 20 et 25 ans, pour une solution classique. Ouais. Et sur le long terme, du coup, pourquoi ne pas privilégier, même si elle coûte plus cher au début, celle qui durerait plus longtemps au final? Parce qu'à répétition, je pense que plus on suit l'évolution du temps et plus le coût répété de 3 ans maximum va rattraper le coût. Ouais. Alors sur la première solution, pas tant que ça, puisque ça revient toujours moins cher de faire un entretien ponctuel ou de recommencer. Ça coûtera toujours moins cher, je pense, que de faire la solution classique d'enrobé et autres. Mais c'est bien spécifique dans un seul des cas. C'est qu'on parle de chaussées à faible trafic où il y a très peu de camions qui ont passé dessus et on est vraiment dans des situations isolées. Je suis d'accord, ça peut fonctionner. Par contre, on va parler de pistes ou de voiries qui sont proches de l'île de Cayenne où des camions peuvent circuler, où on va avoir un trafic qui sera important, de poids lourd. Là, dans ce cas-là, je reviens totalement à ce que tu dis, ça coûte moins cher de faire une solution pérenne sur le long terme et de se concentrer sur les années suivantes sur d'autres chaussées que de revenir tous les 2 ou 3 ans sur une chaussée et pas avoir l'impression d'avancer. Si on s'intéresse un peu, le réseau routier, je pense, de la Guyane, il n'a pas changé en 30 ans presque. Et si peut-être on avait peut-être bien commencé depuis le départ, peut-être qu'on aurait pu faire d'autres choses. Ça va un peu rebondir sur l'interrogation de l'homme. Tout à l'heure, vous avez parlé des pistes agricoles. Oui. Hein, alors, le terme de piste, on sait ce que... dans l'imaginaire, c'est de la latérite. Hein, d'accord. Très souvent, on vient dans cette piste de la latérite. Mais vous avez montré à Rococo, je crois, la piste en 2015. C'est ça. Hein, une couche dessus et 5 ans après, 4 ans, rien. Alors, est-ce que justement, avec ces nouvelles expériences, ou je dirais ces nouveaux procédés qu'EFAGE a, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des pistes agricoles beaucoup plus durables que ce qu'on a actuellement? Parce que quand on nous dit qu'il n'y a pas de camion, je crois qu'une piste agricole, ce n'est pas une piste pour des carrioles avec un cheval. Hein, okay. Il y a quand même une vraie vision de développement. Ça veut dire qu'il y a besoin quand même d'avoir des engins lourds qui rentrent pour déforester, pour amener des bulles, pour amener des choses. Donc, est-ce qu'avec les nouveaux procédés que vous avez, est-ce qu'il y a moyen de penser ou de dire qu'on peut arriver à avoir des pistes stabilisées et beaucoup plus durables que ce qu'on a actuellement? Oui, bien sûr. Mais c'est le travail que je fais dans le cadre de ma thèse. Voilà, moi, je vise essentiellement les voiries à faible trafic, puisque ce sont celles-ci qui sont pratiquées par les acteurs économiques. En général, que ce soit dans l'agroforesterie, dans la partie agricole, c'est faciliter le transport, c'est améliorer le développement, tout simplement. Donc on vise des solutions low cost, qui ne coûtent pas cher, mais par contre où on peut arriver à stabiliser un maximum la latérite et garantir une trafficabilité sur au moins 10-15 ans, à moindre coût pour le client. Alors, est-ce qu'à un moment donné, je me permets de dire, est-ce que vous pouvez représenter votre solution, Olivier? Voilà. Alors c'est, je ne sais pas si tout le monde est d'accord, ça me permettra, parce que c'est pas des sujets, c'est assez technique, et j'avoue que j'aurais bien envie de réentrer à ces personnages, je ne sais pas ce que vous avez dit. Alors, de toute façon, j'ai amené des fiches techniques, donc ça sera assez intéressant. En fait, c'est un procédé, justement, on l'appelle l'hématérite, parce que ça concerne essentiellement la latérite. Cette latérite-là, on va chercher à la stabiliser, mais pas avec un liant ciment comme on le fait de façon régulière, mais avec des émulsions de bitume. La particularité, c'est que contrairement avec le ciment, on ne va pas chercher à faire une chaussée qui sera rigide, une chaussée qui peut casser. On va au contraire rechercher une chaussée souple qui va peut-être se déformer. On sait qu'il va se déformer, mais sous des latitudes qui ne sont pas très importantes. Et par contre, le revêtement par-dessus, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui nous un ESRG, en fait, c'est un enduit superficiel qui sera renforcé par un géosynthétique. Ben, ce revêtement-là, il va se déformer avec le support, il va épouser toutes les déformations, mais restera trafiquable. On n'aura pas la formation de nid de poule, on aura simplement des déformations, donc c'est pas passant des chaussées où on est censé rouler à 90 km/h, donc ça n'empêche pas sa viabilité. Sont très techniques, vous stabilisez avec. Je n'ai pas compris la technique, on ne m'indiquait pas de questions bêtes, donc j'en profite, excusez-moi. Oui, allez-y. Vous stabilisez comment? Par quel procédé? Avec ce qu'on appelle des liants hydrocarbonés, c'est des liants à base de pétrole. En fait, c'est comme si on faisait un enrobé, comme vous le voyez là, ouais. Classique, ouais. Sauf que au lieu de mettre du bitume et des cailloux, on va mettre du bitume et de la latérite. Et ce bitume-là, il va avoir une influence qui n'est pas négligeable, c'est qu'il va recouvrir chaque particule de sol qui, lui, est sensible à l'eau, et ça va créer un film protecteur dans le sol qui va faire que dès lors que de l'eau rentrera dedans, il sera moins sensible à l'eau, donc il aura de meilleures performances. Est-ce que vous pouvez dire à tout le monde ici la structure du sol de Guyane? C'est-à-dire que la latérite se retrouve d'une manière très importante. Parce que si on ne le sait pas, on pourrait se dire, mais voilà, je pense que... Oui. De toute façon, la latérite, c'est un grand mot qui est très générique, puisque des latérites, elle est plus ou moins jaune, des fois rouge, sa composition chimique, elle va changer en fonction de la roche et des phénomènes d'altération qu'il va y avoir à travers le temps, et elle va être plus ou moins fine, ça veut dire très sensible à l'eau, et également grossière. Et quand elle est grossière, en fait, on va avoir pas mal de matériaux graveleux, des roches. Et cette proportion de fines et de matériaux un peu plus grossiers ben ça va donner que finalement les latérites qu'on a en Guyane, elles ont une capacité à supporter un trafic qui n'est pas négligeable. Quand on est en saison sèche, on fait des essais de portance sur la latérite, on arrive à des portances qui sont énormes, qui ne sont pas négligeables. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que ces matériaux-là, on n'arrive pas à garder ces portances-là en saison des pluies. D'où justement l'utilisation de mon traitement pour garder un maximum ses propriétés mécaniques. Et merci pour cette présentation qui est très intéressante. Je voulais savoir si j'ai trop compris que vous aviez testé aussi les techniques des matériaux sur le chantier Ariane 6. Peut-être nous en parler un peu par rapport au contraire que ça pouvait y avoir là-bas. Alors, Ariane 6 était un chantier assez particulier dans le sens où on avait une grosse problématique d'entretien des voiries. Donc, c'était un chantier où il y avait essentiellement tous les jours un trafic de véhicules de type poids lourd pour le chantier et ce pendant 3 ans. Donc, bon, IFAGE, Afra-Guyane, on était. C'est pas nous qui avons construit le pas de tir, mais on avait la responsabilité de l'entretien de ces voiries-là. Donc, on se retrouvait tous les ans, puisqu'on mettait un minimum de coûts pour l'entretien des voiries, parce que c'était un chantier, à devoir revenir à chaque fois pour faire de l'entretien, pour garantir le transport des matières premières pour la réalisation du chantier. Donc, sur un des chantiers, on a essayé ce qu'on appelle le SRG, donc c'est un enduit classique qui est renforcé avec un géosynthétique. Et on a fait des bandes, on a fait pendant un an, on a fait une bande de SRG et une bande d'enduit classique. Et on a remarqué qu'au bout d'un an, le SRG il n'a pas bougé, pas de nez de poule, il est resté intact. Sous un trafic de poids lourd extrême, je pense que même les chaussées de Guyane n'ont pas autant de trafic de poids lourd. Et à côté, l'enduit classique était totalement détérioré. Donc sous l'action d'un trafic de poids lourd, par contre sur une courte durée, on a pu l'observer que sur un an, on a quand même conclu que le revêtement était quand même bien plus performant. Il était beaucoup plus apte à supporter un trafic agressif qu'un enduit classique. Et ça a contribué, vous avez pris en compte ces données-là dans vos travaux? Oui, bien sûr, puisque j'ai commencé ma thèse en 2017 et le revêtement, je l'ai testé 4 mois plus tard. Donc j'ai pu avoir après un an un retour, un an et demi également. Par contre, on a fait au bout de 2 ans tous les revêtements en enrobé, donc on a recouvert la flange des 7. Donc on n'a pas pu aller plus loin en termes de suivi. J'ai une interrogation sur l'intégration de d'autres matériaux qu'on peut trouver dans la forêt ou peut-être, d'origine végétale ou autre. Est-ce qu'il y a des études qui s'orientent là-dessus? Est-ce qu'il y a du potentiel ici? C'est une question large, mais voilà, je la pose. Il y a du potentiel. Je ne sais pas comment s'appelle cet arbre-là, des EVA, je crois, où on a derrière une résine naturelle. Et cette résine-là peut rentrer dans la constitution des fabrications d'émulsions. Donc au lieu d'avoir une émulsion de bitume qui provient du pétrole, on peut en faire une équivalente végétale. Donc ça se fait, ça existe. En métropole, pareil, aujourd'hui on fait des enrobés avec des liants végétaux, ils s'appellent biosourcés. J'ai eu l'occasion de faire un partenariat avec l'Université fédérale de Fortaleza qui travaille justement sur cette problématique, où ils ont une espèce d'arbre où ils essaient d'extraire justement la substance naturelle pour pouvoir faire des routes avec. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est des techniques qui commencent à devenir de plus en plus matures puisqu'il y a une recherche dans la transition écologique. Par contre la particularité c'est que ce sont des techniques qui coûtent bien plus cher par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, et la problématique c'est que tant que je pense qu'on n'aura pas une politique qui sera axée sur ce genre de revêtement, on pourra pas en voir, puisque le surcoût, faudra bien que quelqu'un le paye. Et malheureusement, ça sera nous en tant que citoyens, puisque je pense qu'on le paiera dans les impôts, et bien sûr après les donneurs d'ordre qui le paieront directement. Donc après, je ne sais pas, ça c'est vraiment une réflexion à titre personnel. Aujourd'hui, on sort du bitume, qui est un déchet de l'industrie pétrolière, et ce qui en sort, ce fuel, que ce soit dans l'essence ou dans le gasoil, on l'utilise dans nos voitures de tous les jours. Si on part sur l'hypothèse qu'on n'utilise plus ce bitume-là, qu'est-ce qu'on en fera? Oui, mais la réflexion aujourd'hui par rapport à l'espérance de vie de la planète, je vais résumer ça comme ça, fait que on ne peut plus, on est obligé de réfléchir à d'autres, je ne sais pas comment dire, à inventer quand même, à exploiter différemment les autres ressources que l'on a de manière un peu plus durable. Il faut faire preuve vraiment d'innovation parce qu'il en va aujourd'hui de notre propre survie en fin de compte. Donc, ok, le bitume c'est un déchet qu'on a réussi à valoriser à maximum, tant mieux. Mais c'est pas le seul déchet à valoriser non plus. Et comme on produit énormément de déchets, bon, tout part, hein. Mais surtout que la nature est pleine de ressources en fin de compte, inexploitées pour le moment. Ce serait pas opportun de s'en priver en fin de compte. Dans tous les cas, en termes de R&D, on ne s'en prive pas puisque l'avenir se prépare. Donc, d'un point de vue groupe, je sais qu'on mène pas mal de recherches, notamment sur des routes. On parlait de spatial tout à l'heure. Et ben, on a un procédé qui s'appelle Luciole. Luciole, ça va être des routes connectées. Et ces routes connectées, en fait, elles vont pas s'éclairer parce que c'est de la consommation d'énergie inutile. Par contre, c'est dès lors qu'il va y avoir une voiture qui va passer, il y a un capteur qui va détecter la présence de la voiture pour éclairer uniquement le passage de la voiture tout du long de la chaussée. Non, les technologies, je dirais qu'on commence à les maîtriser, on a un savoir-faire, que ce soit IFAGE, mais que ce soit aussi les autres concurrents, puisque c'est tout le monde travaille sur l'avenir de demain. Après, on attend simplement que les consciences collectives s'éveillent un peu plus, que les donneurs d'ordre s'éveillent un peu plus aussi, pour nous dire, ben, c'est bon, on change. Et faites quelque chose de nouveau, et on a déjà de vous aider juste pour appliquer. En fait, on est prêt à demain. Il y a une question, c'est par là-bas. Bonsoir. Je me demandais, est-ce que vous avez pensé aussi à faire des chaussées connectées qui nous permettent de. Par exemple, sur des pneumatiques, quelque chose qui permet d'anticiper l'usure de la route. Et pas du tout, c'est pas dans les tuyaux. Pas du tout, puisque l'usure de la route, en fait, on n'a pas besoin d'avoir un capteur pour nous dire qu'elle va mal. En fait, c'est très visuel. Le bol trou, on voit les détériorations, on a des signes précurseurs justement de la dégradation. Ça va être des débuts de fissuration. Donc il y a quand même pas mal de choses pour avertir avant d'arriver au phénomène justement de nid de poule et de détérioration. Par contre, des chaussées connectées dans un autre sens. Alors je sais que demain il y a des routes qui sont en train de se préparer. Bon, par exemple, il y a les routes solaires, ça a été un essai il y a quelques années, je dirais il y a moins de 10 ans. Par contre, ça a été un échec puisqu'on roule sur des panneaux solaires et on va endommager ces panneaux solaires qui génèrent de l'énergie. On a des routes aussi qui génèrent de l'énergie par le poids. Mais pareil, je ne sais pas si les technologies qui seront matures demain. Il y a des routes où on installe des capteurs justement pour les voitures autonomes, c'est-à-dire pour qu'elles sachent justement où elles se trouvent. Donc si, je pense que les routes connectées de demain, je ne sais pas de quelle forme elles vont se faire, mais il y a des fortes possibilités qu'on en ait. J'avais une deuxième question. On va parler de la pluie qui est un élément qui détériore nos chaussées, mais est-ce que le fait qu'on ait des sols marécageux, ça contribue à détériorer nos chaussées plus vite? Comme je le disais, quand on parle de PST, en fait, la partie supérieure des terrassements, en fait, les 1 mètre où sur cette couche-là on aura la couche de forme, on doit une portance à long terme. Mais par contre, si cette portance à long terme, on ne peut pas l'obtenir à cause de la nature des matériaux, on doit faire par-dessus une couche de forme, et cette couche de forme-là devra avoir la portance à long terme. Donc les préconisations nous disent qu'il faut qu'on fasse une structure qui est de l'ordre de entre 30 et 60 cm de grave de matériaux insensibles à l'eau. Et sur cette grave insensible à l'eau, quand l'on fasse des essais en saison des pluies ou en saison sèche, on est censé obtenir le même niveau de portance. Donc puis, en effet, des sols qui sont beaucoup plus fins vont générer sur le long terme des détériorations, mais en temps normal, on sait y faire face avec des couches de forme pour justement pallier à ce manque de portance. Et lors de la réalisation d'une route, donc il y a différentes phases. Avant de poser le premier enrobé, il y a ce qu'on appelle des études qui sont faites au préalable. Donc on va un an ou deux ans avant faire des investigations géotechniques, c'est qu'on va faire des sondages tous les 100 mètres ou 50 mètres en fonction de la longueur de la route. Et on va essayer d'identifier quels sont les matériaux qui sont présents, quelle est la nature de ces matériaux. Ils vont être classés selon un guide qui s'appelle le GTR, c'est le guide des terrassements routiers. Et selon ce guide-là, on sait très bien si le matériau il est très fin, s'il est réutilisable ou pas, si on peut le traiter ou pas. Et c'est suivant ces études-là qu'on va justement orienter les techniques routières pour réaliser une route qui est la plus adaptée à son milieu et à son contexte. Du coup, quelle conclusion pour votre thèse? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat pour la suite? Je voulais juste savoir quelle est la conclusion de votre thèse. Quelles seront les suites que vous allez faire cette thèse de doctorat? Alors, la première conclusion, c'est qu'on a trouvé un procédé qui fonctionne, par contre, dans certaines conditions, puisque je ne peux pas dire que dans tous les sols rencontrés, on sera en mesure de traiter tous les sols possibles et imaginables. On a identifié 4 sols qui sont génériques. Donc on a un sol qui est très sableux, un sol moyen non sableux, un sol graveleux et un sol très fin. Et on sait que sur 4 de ces sols, on est capable de les traiter et d'arriver à des résistances qui sont très satisfaisantes. Le dernier sol, il y a quand même de la R&D à continuer là-dessus pour aller plus loin. On sait le traiter, mais le problème, c'est les limites technologiques, puisque il y a les machines qui existent aujourd'hui ont été adaptées par rapport aux techniques qui existent. On part sur un nouveau procédé sur lequel il faut également adapter les nouvelles machines. Donc je pense que si on maintient le développement tel qu'on le fait aujourd'hui, peut-être que dans les 5 à 10 ans à venir, on aura sûrement un procédé qui sera... Aujourd'hui, on a un procédé qui fonctionne, mais on aura sûrement à moyen terme quelque chose de bien meilleur et bien plus adapté au climat que nous rencontrons. Une route ne s'est jamais faite en 4 ans. Les premiers procédés, on parle des roches et des empierrements des Romains à la roche d'aujourd'hui, il s'est passé un millénaire presque. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui le besoin il est immédiat, puisque on vit aujourd'hui ces désordres, on vit ces trous, mais ça ne passe que par de la recherche, par la R&D, par le temps, parce qu'il faut une phase d'observation pour confirmer les résultats qu'on obtient, pour valider un procédé. Donc ça part dans le bon sens. Au niveau localement en Guyane, on continue à investir sur la R&D, ça va continuer. Et je pense qu'on va en bénéficier de ces fruits dans les années à venir. Il faut parler un peu plus fort, on n'entend pas très bien. Je voulais savoir comment ça se passait techniquement. C'est éviter de trop se déplacer, d'amener trop de camions avec du couture, etc. Donc en fait, vous faites le mélange sur place, sur le chantier, entre guillemets. Si vous avez développé des machines spécifiques ou pas, ou est-ce que, enfin, je ne sais pas, techniquement, comment ça. Alors aujourd'hui, au niveau des phages, on a des industries, et parmi ces industries, on a ce qu'on appelle une usine d'émulsion. Donc c'est une usine, l'objectif c'est qu'on va récupérer le bitume qui vient de Pologne. Ce bitume-là, on va le mélanger avec, c'est comme un mélange d'eau et d'huile, ça ne se mélange pas, donc il faut un émulsifiant pour stabiliser un peu les gouttelettes de bitume fine qui vont se retrouver dans une phase aqueuse. Et cette émulsion de bitume qui est fabriquée en interne chez nous, au niveau de notre agence, on va l'amener sur le site du chantier. Et dans ce chantier-là, on a adapté ce qu'on appelle un malaxeur pluvimixeur. C'est une grosse machine qui a une grosse cloche, qui a une espèce de roue qui tourne avec des dents, qui va mélanger le sol et sur lequel on va injecter, pendant que le véhicule y roule, cette émulsion-là. Et c'est ce mélange en fait de latérite et d'émulsion sur un certain dosage qui était déterminé en laboratoire, qui permet d'obtenir les meilleures performances, qui va se réaliser en fait en in-situ, en direct. Dès qu'on a réalisé ce mélange-là, on va laisser le matériau en fait perdre en humidité, perdre en teneur en eau, et arriver à la teneur en eau qui a été déterminée en laboratoire. Par la suite, on va le compacter, faire la mise en œuvre comme ça se fait classiquement et faire par-dessus le revêtement USRG. Donc c'est l'intérêt de cette technique-là, mais sans parler de la technique éphatérite, hein, de façon très générale, le traitement de sol, c'est une technique qui est très intéressante puisqu'on on réduit l'apport de matériaux. On amène, par exemple, si on veut faire une route de... Allez, en disant, si on veut faire une route de 100 mètres, imaginons, on va amener 10 tonnes de... Non, on va dire, on va amener 100 tonnes de granulats. Ben, si on part sur du traitement de sol, au lieu d'amener 100 tonnes, on va en amener que 5. Donc on diminue de façon très drastique le transport, d'où les coûts de transport également. Et l'intérêt, c'est qu'en métropole, on appelle les retraitements de chaussées en place. C'est-à-dire qu'on va avoir une route qui est existante, qui est peut-être détériorée ou pas, et sur laquelle on va retraiter en direct les structures de chaussées et la fondation. Donc l'intérêt, c'est que c'est des travaux qui vont très très vite. Il y a peu de gêne pour les personnes aux alentours. Et en général, dès que vous êtes derrière le traitement, en fait, vous pouvez déjà circuler dessus, ça va très vite. Donc on a un véhicule, on a un atelier qui se déplace, qui recycle la chaussée en direct, et derrière, on peut rouler dessus. Je voulais vous demander aussi, en termes de coûts, vous avez reçu la route de coûts, c'est ça ? Alors, on n'a pas fait la route de coûts, mais on a fait un secteur de la route de coûts, on a traité 500 mètres pour justement voir comment se comporte ce traitement en réel. La route de coûts, parce qu'on a trouvé un secteur qui est assez particulier, c'est que c'est la cuvette de la Guyane où il pleut énormément. Et sur ce tronçon-là, la route est tout le temps détériorée. Donc on s'est dit, c'est le meilleur endroit pour tester. Donc, on a les pires conditions, on a la végétation qui est au plus proche de la route. Donc d'un côté, c'est problématique puisque si la végétation est au plus proche, on va faire ce qu'on appelle de la rétention d'humidité, donc la route sera tout le temps humide. Donc, disons que c'est les pires conditions pour pouvoir tester un procédé. Et sur ces 500 mètres-là, ça a peut-être réduit le coût de, je sais pas moi, 60%, 50% de manière classique, on va dire. Alors là, ce procédé par rapport aujourd'hui, tel que le chantier s'est passé, c'est un chantier qui a coûté sensiblement plus cher, puisqu'on est toujours en phase d'expérimentation, c'est-à-dire qu'on a un rendement qui est très faible. On est en phase d'observation, on va avancer 50 mètres, on va s'arrêter pour contrôler, vérifier le dosage. On n'est pas du tout en opérationnel. Normalement, les 500 mètres, ça se fait en une journée, on les a fait en 7 jours. Donc c'est le temps de faire tout ce qu'il faut, comme mesure, comme prélèvement, pour observer comment le chantier se passe. On a fait des adaptations de machines, c'est-à-dire que les machines n'étaient pas à l'origine destinées pour ce type de traitement-là. Donc on a eu des pannes sur chantier, on a eu des problèmes, donc on a dû résoudre sur le fait accompli. Par contre, d'après les prévisions et d'après le rendement qu'on a pu avoir, sensiblement, cette technique-là n'aura pas de surcoût par rapport aux techniques les moins chères qu'on puisse faire. La grosse différence, ça se verra sur la durabilité, par contre. Cette technique est très avantageuse. Est-ce que vous pensez qu'en allant plus loin, en poussant les recherches plus loin, elle pourra s'appliquer à des routes qui auront un plus fort trafic? Je pense que ça sera compliqué dans la mesure où si on regarde un peu une structure, une route en fait qui est bien dimensionnée, une route par exemple, si on parle du principe d'une autoroute. Sur une autoroute, on va avoir une couche d'enrobée, on va avoir une structure, une couche de base, une couche de fondation, différentes couches qui sont toutes issues de matériaux qui sont très calibrés, qui proviennent de carrières, qui sont passées dans des cribles, dont on connaît parfaitement les dimensions, sur lesquelles on aura passé ces matériaux-là dans un poste d'enrobé qui va les enrober avec le bitume. Disons qu'on arrive quand même à un niveau de finesse qui est quand même non négligeable pour avoir un contrôle qualité optimal, pour garantir des performances. Mon technique, il est un peu plus archaïque. Et tel qu'il a été conçu, en fait, il ne vise absolument pas, il n'a pas pour ambition de détrôner les meilleures techniques qui existent aujourd'hui, mais de pallier un besoin et un manque qui est immédiat pour arriver à faire des routes en fait, un peu plus durables. Bonsoir. Je voudrais que vous puissiez revenir sur le phénomène de formation des poules, comment une poule se forme, pourquoi, et puis nous dire l'importance de l'assainissement pluvial, donc de l'évacuation des eaux dans une pour une voirie et sa durabilité. Alors l'origine de la formation d'un nid de poule, en fait il y a plusieurs étapes. La première étape, ça va être vous êtes sur un revêtement qui est parfaitement lisse et parfait, qui est beau. On doit, dans les dispositions constructives, un assainissement, un drainage de cette chaussée. Si le drainage ne se fait pas bien, on va avoir de la rétention sur la route. Et cette rétention, en fait, on peut avoir des infiltrations d'eau au niveau des fondations qui vont se faire par les accotements. Donc ces eaux-là, disons, vont rentrer dans l'accotement, vont rentrer dans les structures de chaussée. Si on est sur une structure de chaussée qui est associée à l'eau, donc on ne verra pas forcément de détérioration. Par contre, si cette structure de chaussée, elle est sensible, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une baisse de portance, qui est peut-être ridicule, mais vu ce que vous aurez dimensionné votre chaussée, et que cette chaussée-là va peut-être s'endommager, parce qu'elle aura subi un trafic de véhicules, donc elle va perdre en performance, cette différence de niveau de portance que vous allez obtenir va faire que vous allez avoir des déformations sur la chaussée, et en fait, comme une poutre, la chaussée, quand elle se déforme, elle va faire ce qu'on appelle des fissures en dessous à sa base. Ces fissures-là, avec le temps, vont commencer à remonter jusqu'à la surface du revêtement. Et arrivé à la surface du revêtement, ben, l'eau va commencer à circuler beaucoup plus facilement dans le support. Donc cette arrivée d'eau supplémentaire va amplifier le phénomène de dégradation, et ainsi de suite. Donc on va avoir plus de formation de fissures. Après, on va avoir un phénomène j'ai oublié le nom, mais ça ressemble à un quadrillage, en fait, qui va commencer à se former, une sorte de réseau, et après, ben, les détériorations, les enlèvements d'enrobés, et puis tout ce qu'on connaît. Mais ce n'est pas un phénomène qui va vite, c'est un phénomène qui prend plusieurs mois à plusieurs années, mais il faut juste être, en fait, il faut être attentif justement à ce qui se passe pour arriver à colmater. Donc il y a des façons de réparer tout ça. Avant d'arriver au phénomène de dégradation, on peut appliquer ce qu'on appelle l'enduit superficiel d'usure. Donc là, ça va être une couche successive d'émulsion de bitume et d'enduit, et cette couche de bitume qu'on va appliquer sur le robinet, elle va combler tous ces trous, tous ces interstices qui peuvent justement avoir de l'eau qui rentre à l'intérieur. Donc d'une première part, vous allez sécuriser et rajouter une couche d'usure par le dessus qui va vous permettre de rallonger la durabilité de la chaussée. Donc c'est un entretien préventif qui permet de rallonger, mais de façon très considérable, la durée d'une route si c'est fait suffisamment tôt. Par contre, dès lors que le niveau de dégradation est trop important, ben, il faudra raboter, tout retirer pour recommencer. Et comment expliquer quand même que des routes pas anciennes se détériorent assez rapidement quand même? Alors, les routes. Moi, par exemple, dans la zone Collerie, on prend la zone Collerie, il y a des espèces de cratères qui sont formés, c'est même plus des vitrines, c'est carrément des cratères. Les voitures sont obligées de se déporter, donc de prendre des risques, je veux dire de se déporter, enfin à gauche, à droite, tout en restant sur la route, le côté de la route qui est potable. Mais je veux dire, alors que ce ne sont pas des routes anciennes, quoi, comment expliquer ça? Alors, et comment expliquer qu'il n'y ait pas d'action qui soit faite pour les réparer? Ça, c'est peut-être pas vous. Non, c'est pas nous. Non. Alors, il dit la nature de la dégradation, elle est diverse. Ça dépend de la nature de la route. Si on part sur des routes, par exemple, sur lesquelles on a fait une route qui était déjà endommagée par le passé, mais sur lesquelles on a fait juste un tapis d'enrobé. Donc, on arrive sur cette nouvelle route, on dit ouais, c'est super, elle est nouvelle, elle est bonne, on est là pour 20 ans. Ben, absolument pas du tout. Parce que vous allez appliquer quelque chose de beau, de neuf et de parfait sur quelque chose qui n'est absolument pas. La chaussée qui est en dessous, sur laquelle vous allez appliquer l'enrobé, elle est déjà détériorée. Ces fissures qui sont présentes vont continuer à apparaître. Et vu que les enrobés sont collés, en fait, quand on applique une couche d'enrobé, on applique ce qu'on appelle un enduit. Et cet enduit-là, en fait, il va coller les deux enrobés, donc ils vont être vraiment liés mécaniquement. Donc les fissures qui ont commencé sur la couche du dessous vont monter sur la nouvelle couche. Donc le phénomène de dégradation continue. On ne l'arrête absolument pas. On le ralentit simplement dans le temps. Donc il faudrait tout simplement raboter et recommencer une vraie structure de chaussée pour arriver à ça. J'ai une dernière question. par rapport au dérèglement climatique, j'ai lu que la pluviométrie dans les régions où il pleut déjà beaucoup va augmenter. Est-ce que Eiffage a un discours, une position par rapport à ça dans la fabrication, dans la qualité, enfin dans la fabrication des routes qu'elle propose, aux décideurs. Est-ce que voilà. Alors, je peux répondre pour Eiffage, mais je peux répondre de façon générale, de façon scientifique, en fait, sur le bien fondé des techniques. Qu'il pleut un peu plus ou pas, ça n'a pas d'influence concrète si on a un bon drainage du réseau, si ces eaux s'éliminent très vite, et si ces eaux ont un exutoire. Si ces conditions sont réunies, il peut pleuvoir 10 fois plus, il n'y a aucune raison que les chaussées sont dommages. Par contre, s'il n'y a pas d'actions qui sont réalisées pour l'entretien des accotements, pour faciliter le départ de l'eau, si on ne cure pas les fossés, et qu'on les laisse s'engazonner avec des matériaux qui vont se remplir autour. En fait, le problème, il va s'amplifier même, je dirais. Si on arrive à avoir un plan de gestion, disons, où on a un vrai plan d'entretien sur une planification sur tous les ans, tous les 2 ans, on sait comment entretenir différents réseaux, différents canaux, parce qu'il y a un risque d'inondation déjà, premièrement, je pense qu'on peut éviter ces détériorations. Il faut un plan de gestion qui existe peut-être aujourd'hui, je ne veux pas dire s'il est présent ou pas. J'ai failli poser la main. Bonsoir, moi j'avais une question, c'était par rapport au donneur d'ordre, parce qu'en fait ceux qui font les décès, c'est vrai qu'il y a beaucoup de solutions qui sont innovantes et qui peuvent parler comme ça très lente, mais est-ce que vous les trouvez vous, alors je vais simplement vous interroger. Parce qu'en général, ils sont assez frileux avec toutes ces innovations, parce qu'ils ont aussi leurs contraintes. On sait par exemple que certains de leurs ordres, ils ont énormément d'agents à travailler, ils ont des techniques justement, ils ont des systèmes, des méthodes qui font qu'ils ne sont pas forcément adaptés à des solutions comme celles innovantes. Donc je voulais avoir un petit peu votre point de vue là-dessus. Est-ce que justement, vous pensez qu'en Guyane, par exemple, certains de leurs ordres seraient réceptifs à des techniques novatrices comme celles-ci? Alors, de façon générale, le donneur d'ordre, il est très réceptif à l'innovation. Par contre, si on fait un peu la hiérarchie dans les constructions, il y a le donneur d'ordre qui est non sachant, et il y a un bureau d'études en dessous qui est sachant, qui justement va conseiller le donneur d'ordre, et après il y a l'entreprise qui va exécuter les travaux. Le donneur d'ordre, bien sûr, il voit une innovation, il veut l'appliquer, même si c'est un coût qui est moindre. Par contre, il y a le bureau d'études qui est réceptif justement à l'innovation. Par contre, il va avoir un doute, bien sûr, c'est normal, puisque comme toute chose, comme par exemple on parle du vaccin du Covid, on en a peur parce qu'il est nouveau, parce qu'on ne le connaît pas forcément, ou comme d'autres choses au niveau de l'actualité, quelque chose d'innovant, ben, il est neuf, donc on n'a peut-être pas suffisamment de retour d'expérience pour pouvoir dire, mais finalement c'est une bonne technique, elle fonctionne, on peut l'utiliser partout. Donc, mais par contre, pour pouvoir l'utiliser, il faut bien sûr la tester à un moment ou à un autre. Donc je pense que comme nous, on a eu l'opportunité, la collectivité, la CTG, qui a été réceptive justement à nos besoins d'expérimentation, sur lesquels ils nous ont mis à disposition un tronçon de route, sur lesquels on a réalisé une expérimentation, qui nous va nous permettre sur le long terme d'observer s'il y a des dégradations ou pas et la tenue de la route sur le long terme. Mais malgré tout... la CTG et les bureaux d'études qui sont au courant de ce type de projet, ils nous disent très bien. Par contre, on verra dans 5 ans comment ça va se comporter et dans 5 ans, on pourra discuter du bien fondé de cette technique. Par contre, le besoin il est immédiat puisque aujourd'hui, on ne veut pas attendre 5 ans, on ne veut pas attendre 10 ans. Le besoin il est immédiat, les trous ne vont pas nous attendre. Donc après, c'est la décision qu'il faut prendre de savoir si on prend un risque ou pas, de miser sur une technique pour aller plus loin. Bonsoir. Alors moi, contrairement aux exemples donnés de routes avec des trous, voire des nid-poules, voire des critères, il y a une route emblématique, route que j'appelle la route politique, la politique du bien faire quand l'État veut ou quand les collectivités veulent, c'est la route qui met de Cabasso, la route qui a été créée, construite après la catastrophe de Cabasso. Jamais, mais jamais, sauf erreur, je n'ai vu un trou sur cette route. Et à chaque fois, je me déroge, je me pose la question, je me dis, mais c'est pas possible. C'est vraiment pour nous donner tort, pour nous, parce qu'on n'y croyait pas, cette nouvelle route. On n'y croyait pas, ce tronçon. À l'époque, je me souviens, certains, il y avait un grand débat sur où elle devait se positionner. Est-ce qu'il fallait la faire à l'identique ou pas? Et cette route, à mon avis, a été faite de telle manière qu'on nous prouve que quand on veut, on peut dans ce pays. Avec quelle technique, j'en sais rien. Mais en tout cas, la technique utilisée, sauf si quelqu'un me dit qu'un jour, ils sont rentrés dans un trou sur cette route, moi, jamais, mais jamais, pourtant je l'emprunte presque quotidiennement, jamais je n'ai vu un trou sur cette route. Donc la technique existe et franchement, on aurait souhaité qu'elle soit mise à disposition de l'ensemble des collectivités de l'Union. Alors bien sûr, cette route-là, c'est un revêtement classique. Hein. Là, un revêtement classique, une fondation classique, elle n'a rien de particulier. La différence, c'est que cette route-là, elle est proche d'une carrière, la carrière de Cabasson. Dans cette carrière-là, ça nous permet d'avoir des matériaux à disposition et très facilement et très vite pour pouvoir réaliser la route en question. Donc après, je n'ai pas le détail de la structure. Oui. Est-ce qu'elle a été réalisée par l'État ou par l'État? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, qu'elle ait été faite par nous ou par quelqu'un d'autre, on respecte tous les guides et les préconisations qui sont définies. C'est pareil pour EBA, c'est pareil pour toutes les autres entreprises. Mais dans la mesure où on a, par exemple, dans ce cas-là, on a remblayé sur un marécage, donc on a fait un remblai très conséquent, sur lequel on a fait une assise assez importante, justement, en termes de granulat, et par-dessus un enrobé. La particularité de cette route-là, c'est que c'est l'une des routes les plus trafiquées, avec le trafic le plus important de Guyane, puisque c'est la route de dégradé Cannes. On a tous les bateaux qui sortent du port, qui vont jusqu'à la zone industrielle de Collery. Donc bien sûr, elle a été dimensionnée en conséquence, et ils ont mis les moyens, je pense, à l'époque, pour faire une vraie route. Bon, je vous pose la main. C'était juste parce que tu as évoqué trop brièvement, je pense que c'est bon, pourquoi pas produire de l'énergie. Je voulais savoir si en fait, les gens connaissent le principe qui était mis en jeu dans l'idée de route, qui est le passage des voitures, produirait de l'énergie. Est-ce que parmi vous, je ne sais si... Moi, j'ai déjà entendu parler de ça, mais... si on pense avoir... Si vous me permettez, parce que le principe est presque aussi vieux que les voies romaines, vous avez dans votre poche, enfin, ça dépend de vos mauvaises habitudes, un briquet. D'accord, donc vous n'en avez pas. Mais il existe deux types de briquets. Et celui-ci est une pierre qui frotte avec une roulette métallique, des étincelles enflamment le gaz. Et il y a l'autre, vous savez, on appuie et ça fait clac. Et celui-là, il repose sur l'existence de pierres, de roches, qui ont une propriété qu'on appelle piézoélectrique. Lorsqu'on écrase ce caillou, apparaît quelque chose d'étrange, c'est une tension électrique comme aux bandes d'une pile électrique. Et à ma connaissance, l'idée était d'utiliser des matériaux qui existent dans la nature, et qui ont cette capacité, lors d'un écrasement, à produire dans le briquet un petit arc électrique lié à l'écrasement brutal de cette pierre piézoélectrique. Alors quand même, pour mon ensemble de culture scientifique, j'en ai profité pour m'interroger et puis savoir finalement si oui ou non il y avait eu des expérimentations taille réelle de routes piézoélectriques qui fournissaient de l'électricité au passage des voitures. Ce que je trouvais principalement beau, que ça me paraît sympa, on a réussi à en faire des briquets, donc on a réussi peut-être à trouver quelque chose de sympa, mais je n'en sais pas plus personnellement. Absolument pas, puisque sur le principe, je pense qu'il va y avoir le phénomène de frottement peut-être sur les premières semaines. Après, la route aura totalement tassé et consolidé, donc ce phénomène disparaît. Donc il n'y a plus de frottement. Mais l'idée n'était pas, c'est pas un matériau qu'on frotte, oui. Mais un matériau qu'on écrase. On écrase. C'est vraiment les mégapascales du camion qui passe et écrase un caillou. Sous l'effet d'un écrasement brutal, une tension électrique apparaît. Donc peut-être que d'autres dans la pièce qui connaissent l'énergie connaîtraient d'autres réponses, mais c'était pour solder peut-être aussi dans mon esprit la question de ces routes innovantes où il y a peut-être encore tellement de choses à inventer sur des choses qui ont des milliers d'années que bah, peut-être que Flavio, de son côté, a trouvé une petite pierre à l'édifice. Et c'est le mécanisme qui pourrait servir à des routes, disons, sur la zone intertropicale. Donc il faut prendre la dimension de quelque chose qui peut-être a trouvé sa raison de rechercher en Guyane, en la personne de ce doctorant, des encadrants et du contexte politique qui est le nôtre. Mais peut-être qu'on ne sait pas. Donc j'espère qu'on aura un café des sciences avec Claudio dans 10 ans, où il y aura des routes solaires, des routes électriques, des routes végétales, des routes connectées. Oui, je suis d'accord. Et comme par contre, nous avons des engagements avec notre hôte, vous savez qu'ici aussi on danse et on mange, eh bien, si vous le permettez, je vais proposer de remercier Flavio. Merci Flavio Germain pour cet échange. Et vous annoncer ce qui s'est passé un peu autour de cette soirée où vous avez fait le plaisir de venir. Hier, il y avait un rendez-vous au Totem où on vous convie en permanence. C'est rendez-vous désormais fixe, vous pouvez passer la porte. C'est le lieu de culture scientifique que propose la Canopée aux citoyens guyanais. Il y a des flyers à l'entrée si vous voulez avoir le contact. Il suffit juste de prendre rendez-vous parce qu'en cette période, cité Médan, à côté de la pharmacie, ancien siège des HLM, l'ancienne Simco, si vous connaissez tout ça. Mais en tout cas, tapez sur Google Canopée des sciences Totem et vous y êtes vraiment les bienvenus du mardi au samedi sur simple réservation. Le début de la semaine, c'était la journée mondiale de l'eau. Donc notre équipe, elle était à Saint-Georges avec des collégiens pour parler de cette ressource inestimable. Et on a vu que même s'il en tombait 10 fois plus, peut-être qu'il y a plein de questions autour de l'aménagement et des réseaux hydriques. Et la Guyane, pour ça, elle en a de l'eau, mais peut-être qu'il y a des questions profondes qu'on doit tous se poser. Et hier, c'était un rendez-vous avec l'auteur de BD Olivier Coppin, notre microfolie. Certains y ont assisté, je crois, on a vraiment des habitudes. Et voilà, l'idée, c'est que on voulait clôturer la semaine avec cette rencontre autour des sciences et de l'industrie. Mais c'est pas fini. Il y a des rendez-vous auxquels vous pouvez être donc vous pouvez être tenu au courant. Par exemple, le 14 avril, c'est Marvignan, un artiste qui vient nous parler de sa démarche artistique autour de sujets de société qui sont parfois durs à traiter. Son travail de réalisateur en termes de cinéma l'a amené à questionner des problématiques très dures comme les mules, les violences faites aux femmes, des choses qui sont sociétalement inacceptables, donc dont la question est d'aborder le fond des choses par l'entrée artistique. Son travail de réalisateur a touché, mais aussi ces fresques que vous pouvez voir dans l'espace urbain. Et c'est pour ça qu'on essaye de proposer aux gens des rendez-vous où les entrées thématiques offrent à chacun une entrée qui soit attractive vers des sujets qui nous concernent tous. Donc le 14 avril, les rendez-vous des microfolies, ça se passe au Totem. Et puis, sur réservation, oui, parce que le produit, parce que tout ça. Et enfin, c'est le 27 mars, je crois, non, le 27 avril, à Kourou, on aura un mardi d'espace qu'on organise avec le CNES. Il y a un super Fab Lab qui va ouvrir ses portes à Kourou et qui s'appelle la Station K. Vous voyez la référence ? Il y a une station F à Paris et c'est la Station K de Kourou. Mais en tout cas, c'est un Fab Lab qui va ouvrir ses portes et les personnes qui portent cette dynamique vont vous proposer d'en parler sur le front de mer à Kourou, dans un autre établissement bien connu. On vous tiendra au courant. Enfin, en tout cas, il y a des rendez-vous réguliers, il y a un endroit où vous pouvez trouver toute notre équipe, et elle sillonne la Guyane pendant qu'on vit. Donc je voulais vous souhaiter une bonne soirée à tous, vous remercier de votre présence, remercier Tommy, mon collègue chef de projet qui vous accueille au Totem et se déplace dans les quartiers toutes les semaines, peut-être que vous croiserez. Mon collègue Philippe, qui est lui du côté de toute cette technique invisible, mais c'est parce qu'elle fonctionne que c'est invisible. Merci Philippe. Certains de nos administrateurs présents dans la pièce, mais discrets. Et Flavio, bien sûr. Monsieur Flavio Germain, merci pour cet échange. Merci d'être venu. À la prochaine fois. Une prochaine.